Bonsoir, bienvenue dans l'antichambre, bienvenue sur Radio Les Bords. Nous serons connectés ensemble de 21h à minuit comme chaque jeudi soir pour l'émission hip-hop Télébord. L'émission va commencer tout de suite en mélangeant quelques jolies voix féminines avec les couplets de certains rappeurs les plus talentueux de la scène internationale. J'ai nommé Redman, Mos Def ou Guru. On aura aussi Macy Gray par deux fois, d'abord en compagnie des Black Eyed Peas pour un Request Line remixé par will.i.am, le leader des Black Eyed Peas, un morceau qui remonte à 2001, une époque où les Black Eyed Peas étaient déjà à deux albums mais n'avaient pas encore basculé du côté un peu plus mainstream qui les caractérise aujourd'hui. On retrouvera Macy Gray quelques minutes après, ce sera en compagnie de Guru et Mos Def. Et entre les deux viendront s'intercaler d'abord Redman avec Lick A Shot de son album Where Is Reggie Noble, qui est sorti en 2001 chez Def Jam comme tous les albums de Redman. Et on aura ensuite Kelis featuring Terrar avec Good Stuff, qui est extrait du premier album de Madame Nasty Nas, qui est sorti en 99, ça remonte déjà il y a quelques temps. L'album était entièrement produit à l'époque par une moitié des Neptunes, alias Pharrell Williams. Good Stuff, c'est certainement un des morceaux qui a fait connaître Kelis au grand public. Voilà, donc on va vous laisser tout de suite en compagnie de ces quatre morceaux et on va attaquer tout de suite avec Request Line des Black Eyed Peas, remixé par will.i.am en compagnie de Macy Gray. Barcodes on. Think you catching me and my bitch? You're dead wrong. I'm over here prepared, blowing the air horn. You niggas talk with it. I do it blind, blindfolded, without walking with sticks. As dark as it get, you slept in the bricks. Now you lose. Like, yeah, yeah, you bet on the Knicks. We walk dogs with more balls than pool rooms. Attitude wolf, I react to full moons. I shoot up the place so y'all can see. You stuck up like them white boys on Harley's B. Are you ready to get high with that? Okay. If you high, nigga, then lick the shot. That's right. All my niggas out in Brooklyn, keep your heaters cooked and keep the mommies looking. Yeah, yeah. Yo, are you ready to get high with that? Okay. If you high, nigga, then lick the shot. That's right. All my niggas out in Jersey, keep smoking the Hershey, keeping your money thirsty. Yo, y'all, yeah, I'm an MC. I don't think how you rap stars a thing. I rush you like you made the last call for drinks. My pipes burst and I ain't installed the sink. A radiator, I keep it in the car to mink. Yo, trail the bricks where I wrestle grizzly bears and stick a track for a snare kick. When it's committed, damned if you see him again. Cold hearted, these fall off the tree in my Timbs. Help me. I keep the flow cold like your wrist. The words practically Geronimo off the disc. When flex bombing, look, everybody running. You bitches going wild, even Kitey wanna tongue him. I'm like the Gooch looking for Arnold Drummond. Walking with a trench coat to park the pumping. Like MJ, I wanna be starting something. Whoever ain't with it, gotta move with it. 144 Hydro, smoke the choke on. Grandson, pull a handguns to toke on. Uptown with Big L watching over. He tell me there's narcs parked on his shoulder. I don't care, cause I'm drunk as hell. Shit, I do 80 on a speed bump to Bell. Doc Debo, keep both cannons on reload. Weed keep my fingertips yellow like Cheeto. Are you ready to get high with that? Okay. If you high, nigga, then lick the shot. That's right. To my niggas in Atlanta that carry the hammer, wrap them with bandanas. Yeah, yeah. Yo, are you ready to get high with that? Okay. If you high, nigga, then lick the shot. That's right. To my niggas in the shot that smoke on the lot, proceed to yo. I seen you when you walked in, stealing all the light. You're the type of guy that makes them fly girls fuss and fight. They can't love you more, not the way you're wishing for. They go about it all wrong, only experts get it right. Call me Disco Dawn, but my name's still Terror, still the world in my palm. You chicken heat, front passenger seat, loading my arm. Who she with next? One of two clips in tennis specs. Dance floor, hot sex, my hands rubbing the breast. What am I saying, baby? Disco tech or disco tech? Either way, to miss my spray, just twist your neck. Now that you've seen, you feel it, what it means. And those girls waste their time thinking they could possibly. Yeah, right. You don't want this, you don't want that. Hair girls, you don't want it back. I need a place to lay low, bro, cause this one is murder. My baby works down at the Boulevard Cafe. Just a fine young man with big dreams, trying to make his own way. The owner is this mean old bitch who degrades. every day. Then she fires him for no reason. Don't wanna give him his last pay. Hey. I've committed murder and I think I got away. I didn't get my mother's house, come get me right away. I have no intention of paying for my crime, don't fear. Gonna get the next plane out of here and fly away. When he's down, it breaks my heart to see him. So I figured I'd talk to her woman to woman. I walk in and she counting her cash. Got so much cash, her office looks like a green pasture. I said, give him the money you owe him. She said, get back, bitch, I ain't giving you shit. I said, you hold back. You ain't hurt, but they're my fighting words. It's a murder, it's a murder, it's a murder. And I think I got away. I didn't get my mother's house, come get me right away. Right away. I have no intention of paying for my crime, don't fear. Gonna get the next plane out of here and fly away. Putting a maximum effort for minimum wage. You bring the stillest waters up to a simmering rage. My ball slipping steady drip, I wanna get in my face. Tryna treat a brother any old typical way. Hey, that ain't the way I'm living today. Give me my last week chicken, let me bounce up escape. That's when she said, I ain't giving you not one thing dime. That's when she made me wanna switch it to my criminal mind. She sitting back in the hope it's got I made the dough. And don't wanna give a young man the pay she owe. That's when I got on the horn and called Maceo. Like, yo, this crazy hoe tryna play me low. Macy beamed on the steamer, both hands on deck. Like, yo, respect your debt or protect your neck. But old chick got bold and said, what you gon' do? Macy reached for the two, made her holler like Ja Rule. I was like, oh shit, relax, don't flip. But old chick got slick, Macy let up a whole clip. Then she said, you crazy, you know labor ain't free. Snatch the cash and made the dash like OJ and AC. And we out. Yo, I ain't know you had a gun. What you think is funny? Look at all this money. But damn, you wouldn't shot it in the tummy. Look at all these papers. We had to go pull a murder cape and make the old lady meet a maker. Yo, maker, that rhymes with Jamaica. We better pounce for our face being the paper. Getting locked up in the bing is not the flavor. With a suitcase full of money, we flew to a Jamaican paradise. One thing I've learned through all of this is having money sure is nice. Me and my baby got married. He's working hard to make his dreams come true. As far as regrets, I don't have any. Would you? I committed murder and I think I got away. I didn't get my mother's house, come get me right away. On était donc avec Macy Gray en compagnie des Masters of Ceremony que sont Guru et Mos Def. Il s'agissait du morceau I've Committed Murder, qui est un des premiers morceaux enregistrés par Macy Gray, la chanteuse, auteur, compositeur, producteur et actrice. Mais ce n'était pas l'original, il s'agissait d'un des morceaux remixés par DJ Premier. Et puisqu'on est dans les remixes, on va maintenant s'en écouter quelques-uns réalisés par un autre maître de la production, j'ai nommé Pete Rock. Alors, c'est sûr, il va falloir remonter pas mal en arrière pour retrouver quelques-uns de ses meilleurs remixes, qui, ben, comme beaucoup de ses productions, sont remplis de samples empruntés à la musique noire américaine, des samples toujours très travaillés, découpés et triturés dans tous les sens. On commencera avec un titre récent, assez récent, pas forcément très connu. Il s'agit d'un remix du morceau Decepticons de One Below. One Below n'est pas forcément très connu en France, en tout cas il l'est semble-t-il beaucoup plus aux États-Unis, où il s'est fait connaître au sein du duo Binary Star. Et on enchaînera ensuite avec quelques classiques. On aura d'abord Real Hip Hop de DasFX, un morceau qui a beaucoup été remixé, mais je crois bien que la version de Pete Rock est sans doute une des meilleures, qui est à peu près au même niveau que l'original, alors en tout cas à mes yeux et à mes oreilles, surtout rien à envier à l'original. Et on aura ensuite quelques autres légendes, d'abord De La Soul avec Stay Away, et enfin Psycho Realm de Los Angeles, le groupe composé des frères Jack et Gustavo Gonzalez et bien sûr de Be Real, le leader de Cypress Hill. Alors Psycho Realm, ça a été un petit peu l'occasion pour Be Real de s'adonner à la production, puisque c'est lui qui produit la plupart des instrus du groupe. Faut dire aussi qu'avec tout le temps qu'il a dû passer avec DJ Muggs au sein de Cypress Hill, l'envie de s'essayer à la production devait bien lui venir un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a un petit peu participé à la création de Psycho Realm pour explorer ses talents de producteur. Mais ce soir, ce sera pas une version signée Be Real qu'on s'écoutera, ce sera un remix du morceau Stone Garden réalisé par Pete Rock. Et puis on laissera la place pour la deuxième partie d'émission à Whiny Note qui nous a préparé plein de belles choses, une petite école du sample et surtout une superbe sélection d'Oxmo Puccino qui reviendra un petit peu sur ses débuts. On aura notamment pas mal de morceaux de l'époque Time Bomb. Voilà tout de suite One Below Decepticons remixé par Pete Rock. Spotters getting raved like roaches. Night approaches, ran to the cops to give his name. Picture his wife and kids, not up the only options in the rain. Impossible to maintain, mama so ashamed. Good lord, granddaddy probably tossing in his grave. Some things change, some things stay the same. Feelings, desires, beliefs, opinions. Some things change, some things stay the same. Rules, laws, control, position. Some things change, some things stay the same. Look, you get caught up in that everyday cycle. You might go psycho, especially if you don't know what I know. My chores on the vinyl give you more than recital. In every situation we adapt for survival. The fittest, exercise, mind, body, spirit. For the first place category, mandatory finish. Cause only the strong get it. My lungs long-winded in this race we call living. Can't fall victim to the same old excuses. That only mean your brain going useless. We make a change for improvement. Every plan needs an execution. Every man needs an evolution. Oppressed lands need a revolution. The best solution for the problems in place. Empires fell flat on their face due to the change. You think it's strange? My granddaddy would say that butterfly was a caterpillar back in the day. Okay. Some things change, some things stay the same. Desires, beliefs, some things change, some things stay the same. Well, on your mark and get set. Can't forget the goal. In case you didn't know, the flow is fat like Joe. Yo, you nigga, they know that I'm back, man. You're whack, man. I eat a rapper like a Pac-Man. I figured you bring it straight from the cellar. Varela, packing more hits than Lupinella. I swell her. Nigga in his eye, if he test me, you don't impress me. Yo, books kick the rest, G. Hey, yo, what up? The crew bringing the ruckus, no doubt. We's the roughest dream team. Reign supreme like a cutlass getting ducky. The dope. You can't touch the flow. No. It's me, the nigga with G, the B double O K S. So say yes and bust your caliber when I pop shit and rock shit like Metallica. Stays through the hearts of them snake fake niggas. Them all up in my face, jealous of my take niggas. So honey, shake your fingers and show me what you got. Dice effects with the real hip hop. Hip hop to the hip, hip, the hop. You don't stop. Don't stop. Dice effects with the real hip hop. Hip hop to the hip, hip, the hop. You don't quit. Don't quit. Dice effects and we came to rip shit. Rip shit. To the hip, hip, the hop. You don't stop. Don't stop. Dice effects with the real hip hop. Hip hop to the hip, hip, the hop. You don't quit. Don't quit. Dice effects and we came to rip shit. Next nigga to quote. I hope he got more miracles than Smokey. Won't be no discussion. Nah. Strictly head crushing, lead rushing through your body. You're in my danger, feel like riding like powder. I'm back up in that ass, G Kaplowers. And now we got the game to a T like ours. Allow me to introduce myself and my peak. Straight from the sewer, staying true to the streets. Well, it be me, Crazy Drazy, bringing up the rear. I swear, we got to hold it down there, yeah. So there, now let me crack a beer, kick my feet up, turn the heat up, and smiggity smoke all the weed up. The kids are eat up, with the style that's the newest. My crew is getting more run than Carl Lewis. It's from the sewers, now you see me on the top. So stop, and recognize the niggas on your block. Till the hit, dip, the hop, you don't stop. Don't stop, that's effects with the real hip-hop. Hip-hop, till the hit, dip, the hop, you don't quit. Don't quit, that's effects, and we came to rip shit. Till the hit, dip, the hop, you don't stop. Don't stop, that's effects with the real hip-hop. Hip-hop, till the hit, dip, the hop, you don't quit. Don't quit, that's effects. Home mics like New York nightlife. Sleepless, complete frequent subjects and prefix. Believe this, number one, hot rap sauna. Phenomenon sabotaged in this wonderama. What? Off guard, the camouflage fatigue. The slow your reflex to the .com, world wide web. Decipher secrets, block your defense. Rocking conversational pieces. Watch the sands in the hourglass for the sequence. Wonder why, rhyme both for legalized better living. Found lobbying in the urban thoughts for the ribbon. Wasn't born with loot, but could still pay attention to the non-borough ambassadors on the prowl. Fresh blood pours on our congressional floors when the debate gets hot. When you're not from around the ground, you walk. Your immunity can be waived by a crew that craves to just say, stay away, stay away. Ran into my space, a kid acting real testy. Cause his old shady lady wants to undress me. Thought I wanted the same, but her flaunted remains couldn't trap me. And for this he wants the jack. Made his presence felt and he dealt me some words that read, where the fuck is this girl? So I said, reach in my pants, cause brother she's on my dick, something terrible. Follows me to my address and stresses me for my numerical. Hands down, you've been clowned by that yam, who's not even that sweet. Serving potatoes by the gram times pound. And when I'm around, she wants to have sessions. Her way of living is a clock. I don't roll with hoes who unfold love easy. Your illusions of ownership is safe, but if you place some time and thought, you realize you're caught, so you can untie the worms and tell that tramp the murk. Just stay away, stay away, stay away, stay away. Now watch the plot thicken, synchronized clock start clicking. Envision unbelievable position, maintain on the brink. More insane than we can think, so change. Yeah, I'll catch up with you soon, homes. You know what I'm saying? Cause at the end, and then we all sounds like I'm crying. Tears of malathion raining over your head too. Put out the fire. Who desires to die besides a suicidal? Penalties can lead to the eternal sleep. So keep your eyes wide, open and alive. Grab the snake and ride to the other side. If your intention is to defy death, I tell you now, even the best can lay to rest. We're on our way to the stone garden, end of the road where everybody goes but not forgotten. Frames all rotten, souls travel to unravel other worlds in big cloud castles. Why do we have these hassles, living courses? Walk in the street watching your back of your scoliosis. We conscious souls by ganja rose. Everybody hears high, so the story unfolds. We're on another plane of thought, thick and immortal, but the path we're on leads us straight to the portal. Devils in disguise, they come and acclaim us. Let it come as no surprise. I'm staring to the face of death, cause at the end of that time, everybody dies. This is the time of pain. War zone for your own gain. I roll the middle with the metal cause I'm insane. Break free, catch a smoking. Is it gonna earn you a name? Did you get slain? Or fall victim to a ball knuckleheads and bad aim? It ends all the same. Every motherfucker right here gotta jump on soul trains. Some go up, some go south. Some get stuck in a realm with no way out. Some get to ride OD on drug hits. Dying in your sleep, blessed ass shit. But lives get to violently on the streets of a lost city. Devils in disguise, they come in to claim us. Let it come in no surprise. I stare into the face of death, cause at the end of that time, everybody dies. Devils in disguise, come in a claim us, let it come in no surprise. I stare into the face of death, cause at the end of that time, everybody dies. The stone garden, we keep all the heavenly gates packed with fresh souls under control, no holding back. Look at all these names engraved in the stones. Even the unknown find his path on his way home. Rome, where the spirits all lie. One of these fucking days, even I'm gonna die. And when I do, I'll be another memory. Hanging out with the ones who were there before me. Look out, let me set your soul free. Got the fruit tree, open up the gates to eternity. Everybody rise up, open up your eyes. We demise and we trip it to the other side. Devils in disguise, they're coming to claim us. Let it come as no surprise. I step into the face of death, cause at the end of their time, everybody dies. Devils in disguise, they're coming to claim us. Let it come as no surprise. I step into the face of death, cause at the end of their time, everybody dies. At the end, we all die, motherfuckers. Yeah. You take one of my motherfuckers out, check this out. We gon' take you out. And then, you'll take one of my motherfuckers out. And back and forth and shit, and it don't stop. Bodies rock and drop and shit, you know what I'm saying? Ha ha. Yeah. This is the end. Cool it. Your mama's going on a date. Can you dig that? Dig this. Du sample à l'original et de l'original au sample. Dig this. Cool it. Your mama's going on a date. Can you dig that? Can you dig that? Dig this. Nous allons nous attaquer aujourd'hui à un gros du hip-hop au sens propre comme au sens figuré, Notorious B.I.G. Hypnotize. Don't think shit, stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if they head right, Biggie there, and I. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk goes through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Uh-huh. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Come keep on, my man. Peace. Cubans with the Jesus peace. Thank with you, my peace, packing, asking who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, Biggie, Biggie, uh-huh. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. I put O's in NY onto DKNY. Uh-huh. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty boy the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? The niggas ride dicks. Frank White push the sticks. Or the Lexus LX 4.5. Bulletproof glass tints if I want some ass. Gon' blast sweet serves. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and bras, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars. I still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the plaintiff. The daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay still. Richer than richer, so you niggas come and get. Come on. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. I can fill you with real millionaire shit. Yeah. That's cargo, my cargo, 160, swiftly. Wreck it by a new one. Your crew run, run, run, your crew run, run, run. I know you sick of this name brand, nigga with flows, girl, say he sweet like licorice. So get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a bitch. Call me round 10, come through, have sex on rugs, that's Persian. That's right. Come up to your job, hit you while you're working, for certain. Papa freaking, not speaking, leave the ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Kobe, dick black like Kobe. Watch me roam like Romy. Lucky they don't owe me, where the safe, show me. Notorious B.I.G, le morceau Hypnotize qui était sorti sur l'album Life After Death en 97, un album qui était sorti vraiment juste après la mort de Notorious B.I.G dans des circonstances assez douteuses, dans un sombre règlement de compte côte est, côte ouest, on s'en souvient, après la mort de Tupac. Et bien pour ce morceau Hypnotize, le producteur de ce morceau s'est servi d'un sample d'un artiste qui s'appelle Herb Alpert. Il s'agit d'un trompettiste tout simplement. Herb Alpert qui est connu pour être notamment le mari de la chanteuse du groupe Brazil 66 qui officie avec Sergio Mendes. Il est à l'origine du label A&M Records qu'il a monté en 62 et il forme aussi un groupe latino pop qui s'appelle Tijuana Brass. Et puis ce morceau qu'on va écouter à l'instant qui s'appelle Rise, qui est donc à l'origine du morceau Hypnotize de Biggie, est un morceau qu'il a enregistré en 79 et qui est sorti sur l'album du même nom, Rise. Donc eh bien, on va vous laisser tout de suite avec Herb Alpert, le morceau Rise. Thank you. Avec un grand plaisir que j'ai envie de vous parler ce soir d'un artiste hors norme, d'un artiste que j'apprécie énormément, un lyriciste hors pair, un véritable poète des mots, tout simplement un rappeur qu'on appelle Oxmo Puccino, vous avez peut-être reconnu d'ailleurs à l'instrumental. Oxmo Puccino, de son vrai nom Abdoulaye, est un rappeur précoce qui a commencé au milieu des années 90 avec le célèbre label Time Bomb. À l'époque, il écumait les soirées freestyle, les featuring à droite à gauche, les compilations. C'était la période dorée de Time Bomb, à l'époque où il rappait avec Pete Bacardi, les X-Men, les Lunatics et tant d'autres encore, une écurie bourrée de talent, puisque tous ont pu percer par la suite en sortant leurs propres albums, leurs propres projets, voire même leurs propres structures. Mais revenons à Oxmo Puccino, puisqu'après plusieurs compiles et featuring à droite à gauche, le premier morceau qu'il met en avant s'appelle Mamalova, qui est sorti sur la compile Sad Hill du Marseillais Kéops. Ça, c'était en 98. Et l'année suivante, en 99, il sort son tout premier album, un véritable chef-d'œuvre, un classique parmi les classiques dans le rap français. Peut-être à ce jour son meilleur album, en tout cas certainement le plus abouti. Pour un premier album, il traite de sujets graves et difficiles avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de gravité même, avec beaucoup de réflexion. On sent qu'il maîtrise bien son sujet, on sent déjà une écriture hors pair. Cet album alterne des morceaux légers comme Le Mensongeur ou Sacré Samedi Soir, des featuring aussi intéressants comme les Marseillais, Freeman, Laura Luciano, Akhenaton. On en retrouve aussi Lino d'Arsenic et Pete Bacardi. Et donc des morceaux très graves comme L'Enfant Seul par exemple, qui parle de ces enfants qui se sentent tout seuls, qu'ils soient issus des ghettos pauvres ou des ghettos de riches. On va d'ailleurs s'écouter une sélection de 4 morceaux de ce premier album. Amour et Jalousie, La Lettre avec Freeman, Peur Noire et La Loi du Point Final avec Lino de Arsenic. Et puis on enchaînera sur 2 morceaux de son album suivant qui a été sorti en 2001 ou 2002. Un album qui s'appelle L'Amour est Mort. Vraiment un très très bon album qui a été mal compris, peut-être mal reçu par les critiques, qui a en tout cas beaucoup moins vendu. Et puis on s'écoutera donc 2 morceaux. Le premier, Suicide, avec le célèbre Borza, un véritable exercice de style, un morceau qui est d'une richesse textuelle incomparable, avec une instru dépouillée, simple et dépouillée, qui est assez exceptionnelle aussi, que c'est le même Oxmo Puccino qui a produit. Et puis on terminera cette petite sélection par le morceau J'ai mal au mic, dont on entend d'ailleurs l'instrumental à l'heure actuelle. On vous laisse là pour cette fois, mais sachez bien que la carrière d'Oxmo est vraiment longue et c'est pour ça qu'on va pas s'attarder plus longtemps. C'était donc bien la partie 1 d'une petite chronique sur Oxmo, et puis rendez-vous une prochaine fois pour la partie 2 où on s'écoutera d'autres morceaux de son deuxième album L'Amour est Mort, et on parlera du troisième album Le Cactus de Sibérie. Mais restons aujourd'hui concentrés sur Opéra Puccino, et bien tout de suite le morceau Amour et Jalousie. Les gens ne s'aiment plus, tu me feras pas croire ça. En vrai, les âmes sont noires si chaque fois ça foire. Car au fond, tous cherchent quelque chose. Les filles, les poches, c'est plus lest et de fric. Baiser avec le best, souvent celle pour lesquelles tous les potes se frottent. Étrange comme les potes, change quand tu coupes du flouze. Bande sur ta fouf, tout en demandant comment tu vas. Je pense qu'avec le flouze, tu changes que de soucis. Tous veulent le nier. Mais les amis, devant la monnaie, deviennent des animaux. La famille, un jeu de qui strike à chaque shoot. Suffit d'une bille de 5 lettres ou NVIE. La jalousie suinte sur le front de ceux qui sont les moins loin de toi. Et même censé avoir le cran de prendre soin de toi, tu vois. Un des frères moins aimés, cléné par sa mère. Dès l'enfance commence la sale guerre. Les frères grandissent, la plaie reste ouverte et pleine de haine. Les liens se pourrissent et se poursuivent jusqu'aux enfants. Depuis et la nuit des temps, Stan Chance donne la mort ici à Kingston. Une cause, amour et jalousie. Ils veulent être qui je suis, peut-être ce que j'ai. Même mon insuccès, médecin. Amour et jalousie. J'arrive pas à vivre, pourtant mon cerveau à niveau. Ils veulent priver ma vie. Amour et jalousie. Noir et noir, moi ou toi. Pourquoi toi, pas moi. Pourquoi moi, pas toi, voilà. Amour et jalousie. Moi-même j'étais jaloux jadis. Je voulais tout ce que j'avais pas jusqu'à ce que maman dise: fils, patience, t'arrives. Et elle arrive. On la voit tous, on veut y arriver. Et ton rêve. Et pas le leur surveille, c'est n'avec qui te suivre. Jusqu'à ce que tu sois trop loin d'eux. Puis coule ton navire. Ainsi va la vie, vu qu'un nantique qui subit sort. Jette la faute sur celui qui s'en sort. Son unique but, jouer les justiciers. Ils veulent ce que t'as de valeur, le gueule. Pas toujours. Alors un poste, un manteau, un sac à main devient un testament. Rôde, mort, d'homme lord et l'offre d'imposteur. Tous la même cause, la position second possesseur. Beaucoup de fric dans le texte. Vu que ce que les gens t'envient est acquis grâce au fric, ce que je dis je déteste. Mais mon temps est compté, j'ai pas le temps d'envier. Car envier c'est du temps et le temps n'est qu'un tablier. Depuis la nuit des temps, c'est tant de chance. Donne la mort ici à Kingston, une cause. Amour et jalousie. Ils veulent être qui je suis, d'être ce que j'ai. Même mon insuccès, mec c'est amour et jalousie. J'arrive pas à vivre, pourtant mon cerveau à niveau. Ils veulent priver de ma vie. Amour et jalousie. Noir et noir, moi ou toi. Pourquoi toi pas moi, pourquoi moi pas toi. Voilà. Personne n'aurait un stylo. Mais non, c'est pas pour un numéro de go. C'est pour mon... Merci, salut. Ça fait deux éternités que j'attends mon permis de visite. Paraît que tu pompes, paraît. T'es devenu balèze et barbu. Depuis le temps qu'on s'est pas vu. 24 mardi. Excuse, j'ai fait une rature, virgule. Moi, toujours gros, mauvais dossier de chez Wet Watcher. Ouais, c'est ça qu'ils me disent. Et Dia, Momo, que son fils marche à quatre pattes plus vite que son Merco. Siège cuir crème. Et y'a tous les potes qui te saluent chaque soir. Ton père allume un cierge. Pas tout chauff, toujours son shit dans l'alu. T'as manqué à tes frères, à l'enterrement de ta mère. Larmes, sa mère, la mort, le dork pour la haine. Ça se voit que t'es pas ici, mon pote. Même si je t'écris si peu, tu sais que tu nous manques. J'avais tant de choses à dire, mais y'a plus rien. Seulement qu'intervient un coucou l'enfant. Et pas que ça, tu sais de quoi je parle, frérot. Je pense à toi même sans mon stylo. J'avais tant de choses à dire, mais y'a plus rien. Le manque intervient, l'encre coule en vain. Et pas que ça, tu sais de quoi je parle, frérot. Je pense à toi-même, ça mon stylo. J'ai signé un album, changé digne. Meilleur ma vie, j'ignore. Mais j'aurai plus de billes. Le petit Georges pousse vite, joue encore les fous. Dans sa gorge quand il part, et la remplie de guerre, il chie fier. Ces petits causent même meurtre. Pour d'oseille, pour des petits sans le sou, mais plein de gun. Je pas tergiverser sur tes actes. Je sais ce que c'est que la soif de succès. Être riche comme Elvis Presley. Rêver de vite bise et ses excès. Les filles, mais faut vite piger. Les rumeurs courent sur ta date de sortie. Les cons qui ont tes sous craignent ton retour comme une tumeur. Mon téléphone est sur écoute. Les stupes ont convoqué Mars pour un coup de fil passé en août. Je voudrais tout dire mais le juge lit les lettres. Virgule, j'ai pas la tête du traître. J'avais tant de choses à dire, mais y'a plus rien. Seulement qu'intervient, l'encre coule en vain. Et pas que ça, tu sais de quoi je parle, frérot. Je pense à toi-même sans mon stylo. J'avais tant de choses à dire, mais y'a plus rien. Seulement qu'intervient, l'encre coule en vain. Et pas que ça, tu sais de quoi je parle, frérot. Je pense à toi-même sans mon stylo. Parce que t'as vu des gueules dans ta vie, tu dis t'as du vécu. Mes mots te percent son l'âme tant ils sont aigus. Tu me fais flipper comme un docteur qui me dit que je vais mourir. Et pour un jour guérir, faut pas que j'y compte. Ou les deux fois où ta femme a crié. La première fois quand elle a vu mon jouet, la deuxième fois quand elle a joui. Tu me fais flipper comme les Renoirs réunis en soirée qui sneak chaque week-end pendant que les flics se moquent de leur poire et m'illuminent. Au spot bleu, veulent éliminer mes potes de longue date et moi. Parce qu'on n'est pas d'ici comme Spock. Quoi, t'as pas encore peur? Attends un peu. Le second couplet, je l'ai écrit au feu. J'ai eu peur d'appeler les sapeurs-pompiers quand j'ai entendu dire que tu voulais pas me payer. Je mélange tes cauchemars et leurs rêves brisés. Heure noire, rime ma mère ou à mourir de rire. Je mélange mes cauchemars et leurs rêves brisés. Heure noire, rime ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et leurs rêves brisés. Heure noire, rime ma mère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et mes rêves brisés. Heure noire, et ma mère ou à mourir de rire. Tu me fais flipper comme mon avenir, comme ma mère a besoin d'une. J'en file pas car je tarde à faire fortune. Tu me fais flipper comme cette pétasse enceinte qui me dit le perdu. Gosse qui j'assume pas, je suis perdu. Ou comme ce flic disant, c'est ta parole contre la mienne, hoax. Pour cette injure, tu prendras 10 ans. Tu me fais peur comme ces beaufs qui se bourrent au pastis. Nous goûme de la fenêtre en mastiquant du camembert. Ou comme la clique à Poisquin si j'étais DJ ou Dead. Un vilain hiver qui me demande si je te figeais. Ça me fait flipper moi-même, flipper comme un genre. J'en perds mes mots, permets-moi de te dire. Tu me fais flipper comme Time Bomb au Mike. Black millionnaire en bas de survêt, chaussette Nike. Je mélange tes cauchemars et leurs rêves brisés. Heure noire, ma mère ou à mourir de rire. Je mélange mes cauchemars et leurs rêves brisés. fleurs noires. Primamère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et le rêve brisé. Fleurs noires. Primamère ou à mourir de rire. Je mélange tes cauchemars et mes rêves brisés. Fleurs noires. Primamère ou à mourir de rire. Ma vie est ponctuée de faits marquants. M'arrête peut-être pour un peu de regret. Quoi, étonné que je parle comme ça à l'âge que j'ai. Fais chier des riens, chien l'air du rien. On se laisserait rêver du pouvoir mettre à terme un point final à tout ce qui merde. Faut que ça cesse toutes ces agressions de cœur. Les yeux des gens de la jet set me jugent du faciès jusqu'aux chaussettes. Je sais que Dieu m'en veut d'avoir haï. Au point de souhaiter la mort de tous les gens que t'aimes et de te laisser en vie. Mais fallait y penser avant de faire mal. Mettre un point final à toutes ces grâces gratuites et criminal. Faut surtout pas que les frères cessent de se pointer finalement. Puisqu'il faut qu'il n'en reste qu'un pour qu'une race soit en paix. Que les parents cessent de crier sur leurs fils qui ramènent pas le succès fiscal tôt. L'an 2000 c'est pas les 60s. T'as la vie un livre sans virgule car faut pas se priver. Sachant que chaque chose a un point final. C'est pas vrai. Les nuits où j'ai rêvé de cesser une vie. Les fois où dans le fond je me demande ce que je fous. C'est parce qu'on dit que ça va s'arranger qu'on reste ici. Car c'est la loi du point final qui nous tient le coup. Je compte plus les nuits où j'ai rêvé de cesser une vie. Les fois où dans le fond je me demande ce que je fous. C'est parce qu'on dit que ça va s'arranger qu'on reste ici. C'est la loi du point final qui nous tient. La vie est belle comme une pin-up, une pipe, un striptease dans un pipe show. Vise les mauvais trips, c'est chaud. Demande pourquoi mes tips disent du pur son de vermine sur la FM. C'est rare comme trouver des couilles dans le slip des élus FN. Je suis vulgaire comme les ruelles sont cruelles. Et c'est cette putain d'époque qui change les marques du trou en Père Noël. Une brève nouvelle du front ici c'est marche ou grève. Par les trèfles c'est comique comme des putes qui font la grève. C'est grave, mon clef grave l'écorce. Je brave le danger, porte à l'inobicrave. La rime écorce, le jeu l'étrange et en bave. Faut que ça s'arrête, mettre la charrette. Avant les bœufs de la caille dans ma barrette. De la paille dans ma bœuf. Peu importe les moyens vieux, le feu a cramé les pieux. Sur les yeux de ma mère y'a rien que des païens dieux. Doyen me garde, j'ai fini. Voyou sur mes gardes, flingue contre caillou. Ça bat, je suis sous la merde à 100 000. J'compte les nuits où j'ai rêvé de cesser une vie. Les fois où dans le fond je me demande ce que je fous. C'est parce qu'on dit que ça va s'arranger qu'on reste ici. Car c'est la loi du point final qui nous tient le coup. J'compte plus les nuits où j'ai rêvé de cesser une vie. Les fois où dans le fond je me demande ce que je fous. C'est parce qu'on dit que ça va s'arranger qu'on reste ici. C'est la loi du point final qui nous tient le coup. Arrête de me saouler sur la couleur de ma chouse ou de ma peau, non y'a pas de pourquoi cette parano. Faut que t'arrêtes, c'est ouais, tout. Faut que tu saches que mon foutu chlas c'est ma sécu. Si la merde avait une valeur, mes négros naîtraient en trou du cul. Faut que je mette un point final à ce lien avec cette femelle qui fait pomper mon fric et me séparer de ma clique. Faut que nous mettons stop de bosser dur. Chialer les procédures qui annulent la vie d'un fils nul à l'école. Faut que t'explique, faut que ça cesse de clic-clic du clock. Ma tête, mon bloc blesse. Je flippe même de foutre ma fouf en clockless. Faudrait qu'on cesse tous de croire que la vie c'est les boîtes, les belles West. Les Aston Martin, les beaux pulls et les belles pulls. Cesse de glander, d'attendre le Messi. Scandé qu'ici c'est mort, demander de l'aide. Le cul sur un banc à la Tessie. Cesse de glander, d'attendre le Messi. Scandé qu'ici c'est mort, demander de l'aide. Le cul sur un banc à la Tessie. Merde, arrête de pomper, mec. Car au coup de pompe sec, on paye toujours quand on cherche à tromper ou tirer les pompes. Usuel suspect, on pile les épée au point normal. Et puis ma clique, l'ino plus en que mon Puccino. La loi du point final. Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Les gens, t'es un bon. Les gens me disent inhumain. J'ai une mine aiguisée, même les yeux bandés. Les gens me disent inhumain. J'ai une mine aiguisée, même les yeux bandés. Les gens me disent inhumain. J'ai une mine aiguisée, même les yeux bandés. Les gens me disent inhumain. Les gens me disent inhumain. Les gens me disent inhumain. Les gens me disent inhumain. Les gens me disent. Les gens me disent. Les gens me disent. Les gens me disent. Les gens me disent inhumain, j'ai une mumine. Aiguisé, même les yeux bandés, j'ai dit inhumain. Je pèse, on m'appelle cellulite. Papi, je m'en fous du bide, les mecs. Tellement que je pèse, toi les filles. Tellement je pèse, on m'appelle cellulite. Papi, je m'en fous du bide, les mecs. Tellement que je pèse, toi les filles. Tellement je pèse, on m'appelle cellulite. Papi, je m'en fous du bide, les mecs. Pas de limite pendant que je pèse, toi les flics te niquent, mais faut pas que t'imites, il faut que t'innoves. Je te le dis, je suis tellement unique qu'il faut que tu te laves la bouche avant de parler de ma clique. Je laisse les tasses, c'est l'astro dégueulasse. Je laisse les tasses, c'est l'astro dégueulasse. Je laisse les tasses, c'est l'astro dégueulasse. Je laisse les tasses, c'est l'astro dégueulasse. Je laisse les tasses, c'est l'astro dégueulasse. Dégue des aisselles. Place une bise à celle, la belle qui sait jusqu'au hypocrite. Si je dis que j'aime pas le sexe, cache, cache, luxe, luxe. Double XL, plex, plex. Nique les règles grammaticales, on est pire que les animaux. Nique les règles grammaticales, on est pire que les animaux. Nique les règles grammaticales, on est pire que les animaux. Nique les règles grammaticales, nique les règles grammaticales. Nique les règles grammaticales, nique les règles grammaticales. Nique les règles grammaticales, nique les règles grammaticales. On est pire que les animaux. Dès qu'il n'y a pas moyen de faire des vers, t'es calme. Noie la misère dans les textes pour les tonneaux de bière. Je les colle, c'est pour moi, même si j'ai les deux de bière. Wata, wata, wata, son nom, wata, flam. On close low, low, même quand je couche flou, flou. Lève les bras, fais pas le con. Applaudissez ou tu tombes, moi tu bats le balcon. C'est ton premier, suicide, v'là le second. Le célèbre Boza, Oxmo, Gino, Gino. J'ai tellement rien à foutre que je n'écris plus sur les lignes. J'ai la haine, in vitro jusqu'au bout de ma mine. Je suis venu au monde, de mon domaine normal que je domine. C'est du time bomb, j'élimine les men ou les men sur les mines. Madin Boza, chosophone, libéral et chérophobe. Gesticule, testicule, c'est Boza pour le globe. Raconte pas ta vie, rate pas ta cyberrap. Bien si possible, merci. Tu mens comme une fille qui dit qu'elle suce pas. C'est là. Tu mens comme une fille qui dit qu'elle suce pas. Tu mens comme une fille qui dit qu'elle suce pas. Tu mens comme une fille qui dit qu'elle suce pas. Tu mens comme une fille qui dit qu'elle suce pas. Tu mens comme une fille qui dit qu'elle suce pas. Tu mens comme une fille qui dit qu'elle suce pas. C'est l'astuce de toutes, voulant se les maps. Encore un truc de time bomb, pas bon. Des bandes de cons de rappeurs. Sac à puce, sac à merde. Sac à ster. Nous, on reste les best espèces de chiens sans laisse en mèche pour nous. Ouais, c'est ouais, je viens avec rien à perdre, avec peur de rien. Je rappe parce que je n'ai rien à faire. Mon repère, c'est rien, donc je progresse tout le temps les plaies. On me lit comme un bon jeu de cartes. Je suis là, des as, le pire des lits qu'un petit bandit puisse faire, hélas. Je barbie des molécules comme une réverse. Réunis les frères et sœurs. Comme un joint d'herbe. Lève les bras, fais pas le con. Applaudissez ou tu tomberas du balcon. C'est ton premier suicide, v'là le second. Le célèbre Boza, les Oxmo, Puccino, vas-y, dosons. Les gars comme moi représentent. Les gars pas comme vous, en bruisant. Un d'entre nous t'en verras. Plein des comme moi. Déconne pas, on est là pour le siècle. Et le prochain. Et jamais le prochain. De fois la même, on sera trop sec, y'aura pas de prochain. O, B, X, A, M, U, O, Z, A. J'ai plus de lettres. Moi, je suis l'être le plus tricard que je connaisse. Tu vois le style 1, vois-tu le style. Le style tu à tes souhaits, bing. Avec un flow trop swing sur le ring. Aux, toxicomane, comme racking, microphone fing. T'as kiffé le style bon, vas-y, prépare ta weed. Débranche ton quick, arrange-toi, prépare ton oui. C'est Boza, oui, j'en bouffe 16 comme toi ou Louis. Donc mec, vas-y, bouge, arrange-toi, fouille. J'suis def comme bon, def comme squad ou comme row. Bonne définitive, squat et brille comme le row. Les frères se réduisent en foutou, font penser Hutu et Tutsi qui se coupent à coups de ciseaux. Fiston, tu puisses moins loin que la distance entre le B et le O de Puccino. Les hommes de main, demain et mon black mafiosin. Les frères Diac, Mams, Magnolo, Flavo, que c'est Inox, Liquid. Donas Time. Tu fais mieux que ça. T'es un bon. Mais t'es pas Time. Un bon. Le célèbre Boza. C'est tout. C'est tout. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je rends. Tu m'as planté dans le dos, y'a pas de car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie, mais. Auditeurs et spectatrices, applaudissez, reste charismatique, pratiquant du rap. Auditeurs et spectatrices, applaudissez, reste charismatique, pratiquant du rap. Auditeurs et spectatrices, applaudissez cette charismatique, pratiquant du rap. Magique, je marche dans la ville, un Walkman et un pack de pipe pour pas être en panne dans la cabane en cas de kidnapping. Auditeurs et spectatrices, applaudissez cette charismatique, pratiquant du rap magique. Je marche dans la ville, un Walkman et un pack de pipe pour pas être en panne dans la cabane en cas de kidnapping. Insiste dans la banane au chaos. Je croyais que j'allais sortir du ring au premier chaos. Je reviens te tuer sapé en arbitre. Je délivre un titre pour suicidaire averti. Carabine à air déprimé, cherche tant plus. Passe la green, peace, assez pour 10 ans, est vivide. Mais songe en profondeur, sans escale, capant fendrier. Rie dans ma ville, il fait tout à cause des pots d'échappement. La musique est ma porte d'échappe. Chaque note m'apporte un rythme cardiaque. Suffit que le beat reparte pour mon mic. T'es mal au mic, c'est la seule tristesse que j'entends. Dans tes dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Et ça fait un, encore moins deux pour le troisième groupe. J'suis jamais parti, mais toujours de retour. Lumière à l'horizon, on traîne en bas des tours. J'étais hier, vite j'étais hier, j'étais à la menthe. Ça nous porte pas mort de vieillesse. Mes sujets sont plus graves qu'une basse. La musique les élève, mes lèvres célèbrent celle qui n'est qu'une longue trêve de plaisanterie. La vie est courte et cette salope est unique, ironique, son mérite d'être vécu. Pas venu étaler nos souffrances, j'ai pas que ça à faire frère. Mes thèmes viennent de la souffrance même. Je sais qu'avant de tirer tu respires un grand coup. Connais-tu lorsqu'on braque cette douleur qui te prend le coup? De partir je m'en fous, je crains que la manière. Ce monde n'est pas le mien, même si je m'en sors bien. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec, j'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma milady sans belle mélodie. Mec. Se faire plaisir là avec une super sélection, 6 titres d'Oxmo Puccino, tous aussi bons les uns que les autres et qui viennent marquer la fin de la première heure d'émission. Il en reste en tout cas encore 2 jusqu'à minuit sur le 105.9 sur Radio et les Bords. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain à la même heure et puis lundi prochain également pour la rediffusion de l'émission. Voilà, bonne soirée à tous sur et les Bords.